طيب نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. C'est quoi pour aujourd'hui? Awalen, naam. C'est le numéro combien? C'est le 1, page 69. Et à partir du... فقير تفضل. هذا فقير. نعم. هذا غني. Tous ceux qui sont comme ça en cette apparence, ils ne font pas de tanwin avec le hamza à la fin. Ayeb, Zoumala, Foukara, Arnia. Hein? Ça rentre dedans. هذا صديق. هذا غني. هؤلاء أغنياء. هؤلاء أغنياء. نعم. هذا صديق. هؤلاء أصدقاء. أصدقاء. Mais c'est quoi صديق؟ صديق c'est ami. Et صديق؟ Hein? صديق c'est véridique. Les deux ont dedans. Non, c'est صديق qui est véridique. الصديق c'est ami. هذا طبيب. هؤلاء أطباء. هذا فتاة. هؤلاء الفتاة. Attention parce qu'on dirait que tu dis les fois l'aim. On dirait que tu dis هؤلاء الفتاة. On dirait que tu dis les fois l'aim quand tu prononces. Okay. طيب. هذا أخ. هؤلاء إخوان. هذا جديد. هؤلاء جدود. هذا مدرس. هؤلاء مدرسون. لا مدرسون. نعم مدرسون. هذا مهندس. هؤلاء مهندسون. هذا فلاح. هؤلاء فلاحون. هذا مجتهد. هؤلاء مجتهدون. هذا مسلم. هؤلاء مسلمون. طيب. On avait dit ثم aussi le 2 à partir de la phrase tu te rappelles combien? On avait fait une chacun. Donc c'est à partir du 4. Voilà. On avait fait une chacun. Ça y est. Aina al-talib al-jadid ah huwa fi al-fasl. Ah, tu mets en jam. Aïna Talib. Aïna Talib. Aïna Talib. Aïna Talib. Aïna Talib. Aïna Talib. Ça fait bizarre que ça change pas la. Voilà. Tu sais, t'as envie que ça change à la fin. Comment ça? Le Talib. Non. Que tu veux que je change à la fin? Je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est un jam, mais du fait que ça reste en ouf, tu vois. Ah, c'est un jam taxir, comme on avait dit. Ouais. Et هذا الطالب غني لا هو فقير. هؤلاء الطلاب غني. هؤلاء الطلاب الأغنياء. Ma fille a l'alif wal-lam. Toi, tu dis الطلاب الأغنياء. Il n'y a pas d'alif wal-lam. أهؤلاء الطلاب أغنياء؟ نعم. لا هم فقراء. أحسنت. من هذا الرجل؟ هو ضيف. من هؤلاء الرجال؟ هم ضيوف. نعم. لي أخ كبير وطالب بالجامعة. لي إخوات كبار. كبار. وعليكم السلام. لي إخوة كبار. عفوا. بالعفو. علم في بكر. شفاك الله. لي إخوة. أيوة كبار. كبار. هم طلاب بالجامعة. نعم. أين صديقك ذهب إلى المكتبة؟ أين أصدقاء؟ أنا أين أصدقاؤك؟ أيوة. ذهبوا avec un واو نعم juste un واو نعم il y a un alif ذهبوا الى المكتب نعم avec le alif c'est pas damir نعم محمد له ابن صغير وهو طالب في المدرسة اكمل نعم محمد له ابناء صغار نعم هم طلاب في المدرسة نعم زميلك مجتهد اي زميلك مجتهد نعم هو مجتهد عبد القادر زملاؤك مجتهدون نعم نعم مجتهدون نعم هم مجتهدون اجي سوا شويه حتى يدخل محمد طيب لأسماء الجموع كم أبناء أسماء أصدقاء علماء c'est quelle catégorie de pluriel c'est quel jam أسماء جدود رجال طلاب حجاج كبار هذا حنا محمد جام إيش كم يسبل جمع مذكر جمع جمع سالم جمع ايش جمع مستعين محمد جمع تكثير جمع تكثير ومجتهدون مدرسون مسلمون هذا جمع ايش سالم فقط جم سالم جم سالم فقط فقط جم سالم هكذا اخذنا ومذكر جم مذكر السالم طيب ما هو الجم هو هو ما جمه في قسم طويل هو نعم هم طيب Donc on revient à la question, les asma comme abna, wa ulama, asdika, zumala, quand ils sont, quand est-ce qu'ils s'écrivent avec un waouh, le hamza s'écrit sur un waouh, à quel moment? Le hamza s'écrit sur un waouh. S'écrit sur un waouh. Quand il est muftada, quand il est mudaf. Mudaf. Ouais, mudaf. Mudaf, il est mada. Moudaf à quoi? Quand il y a Moudaf qui vient après, au mot qui vient après. C'est quoi le mot qui vient après? C'est quoi? C'était quoi le Moudaf à quoi? Non, pas le Moudaf à quoi? Moudaf Moudafilé. Ouais, mais Moudafilé, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a comme nature? Le Moudaf. Alors, si je dis Abena ou Mohammedin, t'écris le Hamza sur un waouh? Abena, non. Le Moudaf là? Il est Moudaf. Par rapport à la kasra là Abna ou Mohammed Mohammed oui. Parce que quand il est moudaf à un damir et il faut qu'il soit il y a encore un short là non, il doit moufrad là on a fini avec le damir il manque un short à la troisième personne là ça veut quoi dire مبتدا معروف معروف معروف شفت كفور ديال الموضوع لا معروف ايوا مرفوع طيب مبتدا مرفوع لا مو مبتدا فكسه مرفوع مضاف عند ضمير De toute façon, le Moudaf et Damien et Marlifa. Voyez. Asma. Asma ou Toulabi. Asma, où il s'écrit sur le Hamza, s'écrit sur un waou. Là. Là, t'as dit. Asma Toulabi. C'est où ça? Le troisième exercice. Hein? Le troisième exercice? Non. طيب أسماؤهم في اسم واو الحمد لله أسماؤهم نعم زملاء حامد زملاء الحمزة في اسم واو وزملاءك أصدقاء المدرس الحمزة يكتب على الواو لا وزملاؤه نعم أصدقاؤه أفضل طيب نعم أقول وهو جماعة لا كنت أعيتي سلامة سلامة سلامة سلامة سلامة سلامة سلامة سلامة سلامة طيب طيب on a déjà pris alors le fi'l madi al fi'l al madi fi'l passé salam zahaba طيب non zahaba on avait dit domir zahaba c'est quoi fa'il non نعم طيب أي هو ما لك تدي ذهب أي أنا كم تدي أنا ذهبت ذهبت أنت ذهبت ذهبت طيب ستالا سابل ت الفاعل اسم الفاعل سان دمير متصل هو الدمير متصل تو تك ذلك طيب ici les deux c'est فاعل là quand tu dis ذهب تو ذهب في الماضي et تو c'est ضمير في الفاعل et ça c'est un فاعل تو خاص بالفعل il est que pour le فعل طيب tu diras pas مثلا بيتو en disant ma maison à moi tu vas dire بيتي اما تو ça vient à انا quand tu dis متصل à un فعل à un verbe au mardi seulement. Voyez, on a pris Zahabat. Zahabat, il est fa'il. Le fa'il, c'est là, il est Waqata, c'est tombé dedans. Il est mustatir, voilà. C'était là, c'est un harf, c'est pas un fa'il. C'est ta'dif, sakina. Le fa'il, c'est hiya mustatir. Tabihu. Ça, je dis attention, parce que ce ta-là, les gens rentrent dedans aussi, comme le tout ou le ta. Là, ils rentrent pas dedans. Ça, c'est un autre truc. Ça, c'est un harf. Ta-tanis, sakina. On a dit que c'est harf qui yadul ala an al-fa'il mu'annas. C'est une particule qui prouve que le sujet est féminin. Vous voyez ? Là, c'est un ta-fa'il que tu as écrit ? Ta-fa'il. Non, ta-fa'il. L'an al-jadid, haqqaliyum, c'est. ذهبوا أي هم ما الفرق بين ذهبوا هكذا وذهبوا بدون ألف يا pas ذهبوا بدون ألف بان بسي pas ذهبوا بدون ألف mais tout à l'heure là يا pas ذهبوا بدون ألف c'est pas ذهبوا لا ذهبوا non هم ذهبوا là on est sur ذهبوا هم ذهبوا لا هم ذهبوا هم ذهبوا et ça c'est quoi De quoi? Hum zahabu ça. Hum zahabu. Et là, aïna al-jika'uk. Hum, la, muzakkar. Hum, c'est il, eux. Bon, c'est le diable de Houa. Quand tu dis Zahabou. Tu dis Houa Zahaba, Hum Zahabou. Tu dis, quand tu dis Zahabou, il a le Maktaba. Ailleurs Aïn al-Farq Baina Hada wa Hada. Zahabou, ma fille, Alif, tout à l'heure, je t'ai demandé, tu ne mets pas l'Alif. De quoi? Quand je t'ai dit Zahabou, il a le Maktaba. Aïn al-Azdiqa'ouk. Là, c'est pas le même, ça, c'est un fiable, ça. Yevnak, c'est un. Azdiqa'ouk, c'est un ism. Ah, c'est juste un damir. Ça n'a rien à voir. C'est un mudaf, c'est tout ça, là. Ça n'a rien à voir. Là, tu rends deux chapitres qui n'ont pas de lien. Ça, c'est Zahavou, on est dans le fial, dans le sujet. Et Azdikaouk, c'est autre chose. Non, pas Azdikaouk. Azdikaouk, Zahavou, il a le Maktaba. C'est le même. C'est même, c'est le fial. C'est le même fial, c'est le même damir. Ben voilà, Zahavou, il a le Maktaba. Tu m'as dit Zahavou, on ne met pas l'alif. Où par exemple, Aïna Azdikaouk. Aïe, point d'interrogation. Zahavou, il a le Maktaba. Non, pas Ben tout à l'heure, je t'ai demandé si on met l'alif là, comme ça. Je t'ai dit, c'est pas maintenant. J'ai pas dit, il n'y a pas d'alif. Ah. T'as mal compris ma réponse. Ah, ok. Donc l'alif, je le remets alors. Ah, tu l'as enlevé? Oui. Je sais pas, tu l'as enlevé. T'as dit comprendre que t'as dit comprendre ça, je t'ai pas dit l'enlever. Ça y est, ça c'est. Waouh. Attends, t'as pas un mouchoir? Là. Oh. Accident. J'en ai un, mais. Déjà utilisé, hein. C'est pas grave. Oh là là là là là là. Abdou Koyoub. Hein? Ah ouais. Bakhat. Aya. Aya. J'ai pris un mâteau de mouche, qu'est-ce qu'il y a ? Il est malade ? Non. Allergie ? Hein ? Allergie ? Là. C'est les rhumes du Yémen qui s'arrêtent jamais. Tu penses au Yémen, hein ? Souvent, on regarde bien les petits Yémenis, ils sont tout le temps. Moi en France, tout le temps. Je vais vous mettre toute l'année, moi. Plus en été qu'en hiver, carrément. Peut-être que le rhume défend ? Peut-être que le rhume défend ? Non, jamais connu dans la vie. Non, moi, c'est pas des fois pire en été que. T'as eu genou quand même. Comme on dit. Donc, on a dit waouh. Ça s'appelle waouh. Al-Jama'a. T'as écrit quoi le tout premier? T'as ou Fa'il. Waouh. Waouh al-Jama'a. C'est quoi la dernière lettre? Waouh al-Jama'a. Ah, il s'appelle comme ça? Aïe, ouais. Ça, c'est le nom de la lettre, waouh. Aïe, ouais. Il s'écrit comment? Waouh. Et sur la dernière, il y a quoi? Waouh. Il y a un alif entre les deux, c'est tout. Waouh, le jama'a. Tu connais pas les lettres de l'alphabet? Je sais pas comment s'écrit. Alif, bata, ça, ça c'est waouh. Je sais pas comment s'écrit. Comme ça? Non, mais avec la harakat, ça donne quoi? Ça va être quoi? Waouh. Waouh. Waouh. Waouh. Waouh. Waouh, le jama'a. Waouh. Waouh. Jama'ati, mudaf, mudaf, ilay. Non, la lettre. Waouh. Waouh. C'est où? Waouh. Alif. Waouh. Waouh. Si y a rien qui se. Mais là c'est pas waouh, mais moudaf. Non mais. Lui il a cassé. La lettre, juste la lettre. Ouais, waouh. C'est écrit comme ça. Waouh. Comment? Ouais, waouh. La lettre waouh, elle s'écrit comment? Comme ça, waouh, alif waouh. Pas correct, waouh, alif waouh. Mais j'ai compris lui, il veut savoir si c'est waouh. C'est waouh. Je lui dis c'est un moudaf. Non mais lui il parle de sans le moudaf. Bah oui c'est waouh, alifoun, baoun, tafoun. Voilà. Ah d'accord, ah, parce que je connais que les lettres mais j'ai pas pris. Ça s'écrit comme ça, waouh. Alifoun, baoun, taoun, taoun. Waouh, jama'a. Ok. Waouh, damir. Ah mais t'as raison. Il y a que, à tout dommage, il y a que ici qu'il y a des mouches. Ah. Waouh, jama'a. Vous voyez, waouh, damir. Alors attends, donc ta le ta ha le ta ha non ta ou fa'il le ta fa'il non il y a deux ta du il y en a plusieurs, il y en a d'autres non mais pour l'instant elle est là tout aussi de la mais fais le ta marbouta non il est dans le ta'anis et vous écrirez après juste là on continue parce que le temps d'écrire après ça prend tout le temps du ders on n'aura pas avancé donc on revient au DAF. Donc, Houm, c'est quoi? C'est le Damir Moutafir qui vient. Waouh! c'est damir muttasil et il est fa'il, c'est un damir et il est fa'il, tu vois, ce waw est fa'il, c'est un waw, il est fa'il. Maintenant il veut que vous rendez, vous mettiez ce waw sur les fiels qui vont arriver là. Il va donner des exemples de singulier, à vous de les rendre au pluriel. Par exemple, il dit At-talibu dahaba ila al-mat'am. Donc maintenant, faut mettre au pluriel. At-talibu dahaba ila al-mat'am. Tayeb. At-talibu jalasa fil fasl. L'étudiant, c'est. Hein? Oh, c'est bien important, inchallah. Indek, Abdel Kadir. At-talibu jalasa fil fasl. Jalasa, c'est s'asseoir. At-talibu jalasa fil fasl. Nam. Al-mudarrisu kharaja min al-madrasa. Kharaja, on me dit, ça veut dire quoi? Hein? Kharaja, ça veut dire quoi? Sortir. Non. Moi, c'est un truc que j'ai oublié par contre. Indek, Afan Hamad. Al-mudarrisu. Jam. Jam. المدرسة. من المدرسة. نعم. التاجر ذهب إلى السوق. عندك. التجار ذهبوا إلى السوق. نعم. طبعا السؤال. ها؟ تدري كم سكتش كوني باو شفا؟ و في. En fait, c'est pas que je comprenais pas, c'est un mot, mais je trouve pas bon mon lexique. Je comprends pas. C'est un mot. Et pourquoi lui il a pas de alif et lem et après sakin il y a alif et lem? Ça j'ai pas compris. Ta'un ta'niyatin. Naam. C'est-à-dire c'est le ta. Là il est mudar. Le ta du féminin sakina, on va dire sans voyelle. Il y a pas d'alif et lem à ta'nis. Pourquoi sakin il est pas comme ta'nis? Il est pas il y a pas d'alif et lem à ta'nis. Non. Alors faut le mettre. Non, faut le mettre, c'est une erreur. Vous l'avez fait le premier là, il a dit. Ta ou ta'nis al-sakina. Ta'un al-ta'nis al-sakina. Qu'une sakina, il revient à ta, il revient pas à sakina. Il revient pas à ta'nis. Il y avait le sifa de ta. Et ta, il est moudof à ma'alifa, donc il est ma'alifa. De toute façon, prends pas la tête sur les harakas, sur les trucs comme ça. Ça, c'est un truc pour tchawesh, pour te détourner du. La casse pas là-dessus, tu vois, ça c'est rien. Je crois que j'ai fauté parce que je crois que j'ai. Mais Alif Olem Ta'anis, Nam. Ta ou Ta'anis, et Ta'un, il est nafia là. Non, il est moudof à Marlifa. Ta ou Ta'anis. Moudof à Marlifa. Tu peux pas faire comme j'ai fait moi. De quoi? Ta'anis, il n'y a pas d'Alif Olem. Ça, je t'ai dit, mais Alif Olem. Ouais, c'est faux si tu mets pas. Ah non. Non, c'est faux si tu mets Sakina sans Alif Olem d'ailleurs. Waouh. Alors, on a dit c'est quoi? Malette, personne. D'ailleurs. D'ailleurs. Ikra waktub. خامس لا الطالب في الفصل نعم الطالب في الفصل جملة ثانية نعم جملة ثانية من هؤلاء الأولاد نعم أهم أبناؤك لا هم أبناء أختي. Qui sont ses enfants? Est-ce qu'ils sont tes enfants? Non, ils sont les enfants de ma sœur. Non, c'est Achi. Achi, non, de mon frère. ثالثة من أولى من من هؤلاء من هؤلاء من هؤلاء من هؤلاء الناس هم شكرا تعمل الناس ما في Il ne sait pas encore. Je ne l'ai pas refait à trois attrapages. Normal, j'ai même pas même. Hein ? J'ai fait dans deux magasins, il n'avait pas. Si, non, là. Non, il n'a pas. Là, à cause de la moitié, on m'a amené dans deux magasins, j'ai cherché hier. Non, mais là, j'ai pris le mien. Il en avait plein. C'est où ? C'est justement ça. Il en avait plein. Vas-y, continue. Qui sont ces gens? Ils sont des pèlerins de Turquie. Rabian. Andak Mohamed. Aïna Tujjar. Là-bas, il a souk. Non. Où sont les commerçants? Ils sont partis au marché. Menha ou. Afin, Andak, il y a beaucoup à dire. Menha ou la irrigiane. Qui sont ces hommes? Ils sont des invités. ثالثا الفلاح في الحقول في الحقول نعم وأبلاء هم في المدرسات les paysans sont dans les champs حقول فلاح paysans agriculteurs de حقل نعم C'est le champ. Les paysans sont dans les champs et leurs enfants sont à l'école. Tayeb, Sabian, Andak Mohamed. Aïna Tullabu al-Judud. Ba'aduhum fil fasli wa ba'aduhum inda al-mudiri. Où sont les nouveaux étudiants? Certains d'entre eux sont dans la classe et certains d'entre eux sont chez le directeur. Moi, je me suis trompé. Judou, il n'y a pas. Il n'y a pas de. C'est pas Judou. Non, il n'y a pas de Med. Andek, il y a de Kader. Samin. Armami. Armami. Tudjaru. Kabiru. Ah? أعمامو تجار أعمامي أعمامي تجار كبار كبار mes oncles sont de grands commerçants تافيان نك حمد هؤلاء إخواتي نعم Ceux-là sont mes frères. Ikhwani, Ikhwani, tous les deux, c'est des jam taksir de frères. C'est la bonne. Ou Alexandre. Fadal. Où sont tes fils ou Ali? Ils sont dans le magasin, dans la boutique. Adiata Achar, 11. Ya Ali, Al-Kujar, ya. لا يا حسن نداء الطلاب الكبار كبار الطلاب الكبار نعم في الملعب في الملعب والطلاب صغار في الفصل نعم لعب في التانجو نعم في التانجو les grands étudiants sont sur le terrain de jeu et les petits sont en classe ثانية عشر سي حمد هؤلاء Fichieto. Fichieto. C'est le jeune de Fata. Fata, c'est les jeunes garçons. Toun. Abouhoum. Imamoum. Ces jeunes garçons sont des frères, leur père est l'imam de cette mosquée. Imamoun hazal masjid. Non, c'est le père, le imam de cette mosquée. Ouais, mais justement, Imamoun. Imamoun, ah, j'ai pas entendu. Non, il n'y a pas de tanouim, les moudaf. Salta Achar, 13e. Ces hommes sont des paysans de mon village. Koria, c'est village qu'on. Tayeb, Arabe, Rabia Tachar. Aïna Sulabu al-Judud, Akharajou, Naam, Kharajou, Wadahabu il-Maksabi. Naam. Où sont les nouveaux étudiants? Est-ce qu'ils sont sortis? Oui, ils sont sortis et ils sont partis à la bibliothèque. Hamisata Achar. Ou Hamisa Achar. هؤلاء الأتباء الأتباء مسلمون نعم هم مسلمون est-ce que ces médecins sont musulmans نعم sont des musulmans أتباء نعم جم طبيب جم تكسير نعم Muslim, il y a des mots qui. Muslim, il est que en jama. Zakat Salim, non. Il n'y a pas un texte. Non. Ça dit Sahachar, 16e mot. Li. Abna is. Abna is Sahoun. Abna ou. Abna ou Sahoun, il y a. Ba'adouhoum, c'est le madrasa, c'est le Ibsida Ibiati. J'ai des fils en bas âge. Certains d'entre eux sont à l'école primaire et d'autres sont au lycée ou au collège. Oktoub Jamel Kalimat il Atiya. Donc là, le but de ce que vous venez de lire, c'est de voir le djam, taksir, le djam zakar salim, le ism shara, le muzakkar, le ism shara, le djam, le qarib, ha, oulai, wa, wa, jama'a, sur le fial. C'est juste un khulasa de ce qui est venu avant. Uktub djam al kalimat al atiya, donnez le pluriel des mots suivants. Kabir, muslim, rajul, rijal. Ibn Daif Fata Fitya Naam Hajjun Hujjad Naam Akh Sagir Tawil Tawil Tawil Ghaniyun Fakirun أيوة. محمد. فقراء. فقط إخوة. ما كنت. يدو كل كلمات كل إخوة. C'est-à-dire Ikhwanun ou Ikhwatun. Les deux, c'est le djem de Akh. Comme Ikhwan les Muslimoun, par exemple. Ikhwan les Muslimoun. Dit Ikhwanun. Et Ikhwa, avec un thème avoutant. Ikhwatun. Là. Eux, la secte, ils s'appellent Ikhwan. Al-Ikhwanun Muslimoun. Avec un nun. Naam. C'est des frères. Et souvent, Ikhwatun, avec un test, c'est pour les frères de sang, et Ikhwanoun, c'est souvent sur les frères pour Allah. En Allah. Et Ikhwanoun, c'est Abna. Mais bon, tu peux faire utiliser l'autre pour l'autre. De quoi t'avais dit qu'on parle de ça? Ikhwatou, souvent. Et Ikhwan, avec un Noun, souvent c'est des frères en islam. Donc il s'écrit Ikhwanoun. Pourquoi Ikhwan? Ikhwanoun, avec un Tanouin, c'est le Noun. C'est pas Ikhwanoun. Non, c'est il y a un alif après le waouh. Ah oui, souvent il y a un noun, et ce noun il y a un tanouin dhammat, ikhwanoun. La dernière lettre c'est un noun. Ikhwanoun. C'est pas ikhwanoun, là, c'est pas ça. C'est pas Jam Zakar Salim. Pas Jam Taksir. C'est ikhwanoun, c'est ça? Non, ikhwanoun. Et c'est le waouh, tu dis ikhwan. Et Jam de Ibn, c'est Abna. Non. Abna. Abna. La même chose, tu remplaces le noun par le ça, c'est tout. Non. Même on se va. Mais on se va. Quelle est la jadida? Le nouveau vocabulaire. El haqlu. On a dit le haql, c'est le champ. Yep. El jam, c'est hukul. Comme cela est dans le texte. Hukul. El zaif, c'est l'invité. El sheikh, ma'alouf. El sheikh, ça peut s'employer pour un savant. Ça peut s'employer pour un grand étudiant, ou pour un homme âgé, pour un homme, un chef de tribu. Mais c'est où qu'on a vu cher? Hein? C'est où qu'on a vu cher? On a vu cher. Et même en Égypte, ils disent cher, ils disent pour le chien. Comme cher Yahya nous disait. Ukhruj ya cher. Sors. Il l'appelle comme ça. Cher. Chez eux, de cher, ça peut être aussi un chien, tu vois. طيب الناس معروف les gens. المطعم restaurant. القرية ça c'est on a dit un village. القرية un village. نعم. Là c'est plutôt un petit. Tu vois c'est plus petit. القرية c'est plus petit que par exemple des neiges القرية. نعم. المدرسة الابتدائية ça c'est l'école primaire. مدرسة c'est l'école ou الابتدائية c'est primaire. Harf, c'est pareil que chant. Ouais, harf, c'est pareil que. Harf, c'est un lieu de culture. C'est un chant. Harf, avec un fa. Non. Et. Tu dis harf, c'est pareil que quoi? Harf. Harf, c'est pareil que ça. Un chant, quoi. Non, un chant. La forme. T'as dit quoi? Toi, ça t'as dit quoi? Il est là, Mouna.